ما زال الاستعمار الغربي يحكم قبضته على منطقتنا، وما زالت دولة الاستعمار الصهيوني، هذا الكيان الغاصب، تستخدم كسيف مسلط على رقابنا جميعا. لكننا نقولها بكل وضوح، لن نسمح لهم بتحويل فلسطين إلى ذكرى، بل سنجعلها واقعا حرا مهما طال الزمن. يا أحرار العالم، يا من تؤمنون بالعدل، انظروا إلى غزة، إلى القدس، إلى مخيمات اللجوء، فالشعب الفلسطيني يذبح كل يوم، لا لأنه ضعيف، بل لأنه يرفض أن يكون عدلا. أيها الصامدون في غزة، في الضفة وفي القدس وفي الداخل المحتل وفي مخيمات الشتات، في لبنان، في سوريا، في الأردن وفي كل مكان، إنه صبر نحن الفلسطينيون رفيق الحرية. أما أنتم يا من تخططون للقضاء علينا، نقول لكم إن محاولات الخداع القادمة ومبادرات تبرئة الجاني قاتلنا، إنها إسرائيل التي تقتلنا كل يوم، إنها خديعة ولن تمر علينا. أن تحموا مشروعكم الاستعماري وتوهمون باعتراف بدولة وهمية وتظفروا بتطبيع عربي يبرئ إسرائيل من إبادتنا، إنها فلسطين من النهر إلى البحر، وسيبقى النضال مستمرا حتى تسقط آخر قلوع الاستعمار من غزة إلى أهلي في غزة، إلى أصدقائي، إلى أختي، إلى كل أحد أعرفه في غزة، إلى أهلكم، إلى كل من تعرفون في غزة. إنها الأحلام ربما تقتل كل يوم، لكنها لا تنتهي. من القدس حيث تهدم البيوت لكن الإيمان لا يهدم، من مخيمات اللجوء حيث تسرق الذكريات لكن الأمل لا يسرق، نقول لكم: أما وقد فقدنا ما فقدنا من أحبة وذكريات، نحن لن نغفر، لن ننسى، ولن نقبل. سنبقى نردد: يا زهرة النيران في ليل الجليل، إما فلسطين وإما النار، جيلا بعد جيل. لقطة مرهورة: Free Palestine! Free, free Palestine! Dank u. Voordat we met Ela de stem opstappen en met potten en pannen de stad zullen doorkruisen, luister nog als slot naar de woorden en ideeën voor acties van twee eensgezinde, vastberaden vrouwen. Om succesvol te zijn, moeten we de handen in elkaar slaan. We luisteren naar Antje, voorzitter van Intal en lid van de Leuvense Palestina-coalitie, en Manon van de Association Belgo-Palestinienne. Fantastisch. Volgende week is het 15 mei, is het Nakba Day. En dat betekent dat het 77 jaar is geleden dat de Palestijnen van hun huizen werden verdreven. En nu, 77 jaar later, is die etnische zuivering veranderd in een volledige genocide. De genocide die Israël elke dag meer en meer opdrijft. En de genocide die elke dag niet wordt beantwoord door Europa. De hypocrisie van Europa en België wordt elke dag groter en groter. La semaine prochaine, le 15 mai, c'est le jour de la Nakba. Cela fera 77 ans que les Palestiniens ont été expulsés de leur maison. Et aujourd'hui, 77 ans plus tard, le nettoyage ethnique a pris la forme d'un génocide qu'Israël ne cesse d'intensifier, jour après jour. Et chaque jour, l'hypocrisie de l'Europe et de la Belgique devient plus choquante. Belgische politiek de misdaden van Israël in woorden veroordeeld worden en dan nog eens door alle politieke partijen. Waar zijn de acties? Waar zijn de sancties? Waar is het regionale wapenembargo om ervoor te zorgen dat er geen wapens via België naar Israël gezonden worden en Palestijnen doden? En waarom wordt Israël nog steeds als voorkeurspartner behandeld door de Europese Unie? Bien que la plupart des partis politiques belges condamnent verbalement les actions d'Israël, et encore pas tous, et en contradiction avec la décision de la Cour internationale de justice, les actions concrètes manquent. Où sont les sanctions? Où est l'embargo régional sur les armes pour empêcher qu'elles soient acheminées vers Israël? Pourquoi Israël est-il encore traité comme un partenaire économique privilégié de l'Union européenne? Après 18 mois de génocide, 77 ans d'injustice, les partis proposent enfin de reconnaître la Palestine. Et encore, pas tous. C'est un geste symbolique important, mais il ne suffit pas. Les Palestiniens ont besoin que, chers politiques, vous preniez vos responsabilités, que vous empêchiez Israël d'effacer un peuple entier. Que vous leur faites reconnaissance, il ne reste que des cendres. Zin bijvoorbeeld, de wapenexporteur, die heeft de facto de export stopgezet onder onze druk. En de samenwerking tussen NNBS en CAF is moeten gepauzeerd worden. Eindelijk zien we een kentering. Onze leiders die kunnen niet meer wegkijken van het bloedbad. Zim, qui exportait des armes vers Israël, a enfin cessé ses exportations sous notre pression, sous votre pression. La SNCB a suspendu sa collaboration avec CAF. Les positions bougent enfin. Les dirigeants ne peuvent plus se taire devant ce massacre. À Louvain, le drapeau palestinien a été projeté sur l'hôtel de ville emblématique. Tout cela parce que des gens comme vous, comme nous, ont exigé pas de normalisation avec l'apartheid. En in Leuven, mijn stad, werd enkele weken terug de Palestijnse vlag geprojecteerd op ons iconisch stadhuis. En dat komt allemaal omdat mensen zoals jullie allemaal eisen geen normalisering, geen apartheid. En dit zijn geen kleine overwinningen, hè. Dit zijn allemaal bewijzen dat verzet zijn vruchten afwerpt. Ce ne sont pas des petites victoires, c'est la preuve que la résistance porte ses fruits. En soms kunnen we ons machteloos voelen, dat is normaal. En denken we dat protesteren geen zin heeft. Maar als ik jullie hier zie staan, amai, het heeft wel zin. Maar kijk dus om je heen. Kijk naar de mensen links van u, kijk naar de mensen rechts van u. Overal ter wereld en in België groeit het verzet. De straat is van ons, de straat is onze kracht en ons gemeenschappelijk doel is onze kracht. Wij zijn hier en wij blijven hier totdat Palestina erkend, soeverein en vrij zal zijn. Free Palestine! Free! Dus daarom is vandaag zo belangrijk. Daarom moeten we blijven op straat komen, blijven schreeuwen, blijven schrijven en blijven eisen en ook blijven waakzaam zijn. Want de geschiedenis, mensen, die wordt niet geschreven door de mensen die van de zijlijn staan toe te kijken, maar die wordt geschreven door jullie, door de mensen die in actie komen. C'est pourquoi aujourd'hui est un moment important. Les lignes bougent grâce à vous et nous allons continuer. Nous devons continuer à venir, à écrire, à crier, à exiger, à rester attentifs. On est à un moment historique. Vous pouvez être fiers de vous, car l'histoire n'est pas écrite par ceux qui regardent passivement, mais par ceux qui agissent. Dus, volgende week zaterdag. Zet de tv uit als Eurovision start, want die dient enkel om Israël te normaliseren. Blijf boycotten, blijf op straat komen hier in Brussel of in je eigen stad en sluit je aan bij een organisatie. Roep je verkozenen en je ministers op ter verantwoording, tag ze in social media, schrijf ze brieven naar de premier, naar de minister van Buitenlandse Zaken, de hele Arizona-regering op alle machtsniveaus. De volgende weken, mensen, die zijn cruciaal, want de regering die voelt onze druk. Dus laten we die druk verdubbelen. Laten we tonen, Palestine will be free! Palestine will be free! Première étape, je vous invite à venir signer une pétition citoyenne. C'est une pétition citoyenne des citoyens wallons qui veulent interpeller le Parlement wallon pour empêcher les transits d'armes. On a besoin de vos signatures. Ils sont là avec un calico Stop Arming Israel. Venez signer, on a besoin de vous. Ensuite, samedi prochain, vous éteignez votre télévision. On ne regarde pas l'Eurovision qui sert à normaliser Israël. On continue le boycott, on descend dans la rue, on interpelle, on tag, on envoie des lettres à nos ministres, à nos élus, le MR, les engagés, tous les partis de la coalition. Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, à tous les niveaux de pouvoir, on ne les lâche pas. Les semaines à venir sont cruciales. Le gouvernement sent la pression. On continue. Montre-leur, la Palestine sera libre, débarrassée de tout colonialisme. Et maintenant, nous allons marcher pour trois choses essentielles. Un embargo militaire complet, des sanctions contre Israël et la justice pour les Palestiniens. Parce que nous sommes tous des enfants de Gaza. Jullie hebben lang genoeg gewacht, laten we nu marcheren voor onze eisen. Een volledig militair embargo, sancties tegen Israël en rechtvaardigheid voor de Palestijnen. Want wij zijn allemaal kinderen van Gaza. Free Palestine! Free Palestine! Nous sommes tous des enfants de Gaza! Nous sommes tous des enfants de Gaza! Nous sommes tous des enfants de Gaza! Nous sommes tous des enfants de Gaza! Attention, faites du bruit avec vos casseroles, faites du bruit avec ce que vous pouvez. Et quand vous serez près du petit château, faites silence. Pour toutes les mères qui ne peuvent plus embrasser leurs gosses, pour tous les gosses qui ne peuvent plus célébrer leur mère, on fait silence et une chorale vous attend. Bonne marche et vive la Palestine! Optrekken, nog even geduld achteraan, maar we zijn weg voor een vrij Palestina, voor sancties tegen Israël. En gebruik jullie potten en pannen, maak veel lawaai zodat iedereen weet dat in Brussel een van de grootste optochten doorgaat die we de afgelopen maanden hebben gezien. Free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Boycott Israel! Boycott Israel! Boycott Israel! Boycott Israel! Boycott Israel! Boycott Israel! On n'entend pas plus fort! Boycott Israel! Boycott Israel! Boycott Israel! Boycott Israel! Free, free Gaza! Free, free Gaza! Free, free Gaza! Free, free, free Palestine! Free, free, free Palestine! Free, free, free Palestine! Free, free, free Palestine! Non, on vous entend pas encore assez! Free, free!